l'émission Midi. I've got the power. C'est l'émission qui fait du bien partout, partout. Hello, bonjour, soyez les bienvenus sur Galaxy 9530 ou www.galaxyfm.com. Le meilleur de la house et de l'électro, c'est ici jusqu'à midi dans Electrochic avec tout de suite David Guetta, Delirious, c'est remixé par Les Back Luke. Et c'est Saiken Sugarstar qu'on balancera juste après cette nouveauté. Seems to me like the days are getting longer. We'll be right back. Attention, vous lâche tout de suite vos passes valables pour la soirée de notre Friends RVU. C'est bien sûr Remember of Past. Je vous rappelle d'ailleurs que la soirée aura lieu du côté de Courtrai en Belgique. Et si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur le forum de la radio. Vous tapez www.galaxyfm.com. Electrochic. Welcome to the world of music. It's time to go inside, deep inside. Zipping up my boots. Back to my roots, to the place of my birth, back down to earth. Not talking about the roots in the land, I'm talking about the roots in the man. Zipping up my boots, going back to my roots. Take down the floor. Going back to find myself, I can live with nobody else. Who's living in a world of fantasy? Going back, why can't be me? I'm searching for riches ahead all the time. Finding out happiness, just a state of mind. Just a state of mind. It's not black, it's not white, it's not red, it's not yellow. It's not black, it's not white, it's not red, it's not yellow. It's not black, it's not white, it's not red, it's not yellow. Going back to my room. Good weekend. China! We'll be right back. Electrochic, c'est seulement sur Galaxy 9530 ou www.galaxyfm.com avec le nouveau Jess Garcia, c'est de la Dynamite, il s'appelle Thinking About You. Et pour la suite, on vous a déjà calé Afrikaner et Avery. Bon week-end sur Galaxy. But you mean much more than best electronic music. Dans un instant avec Street Girls. Thank you. Galaxy. Galaxy. 95.3. Back up off me, baby. Back up off me, baby. Back up off me, baby. You can't move me, baby. It's my world. Back up off me, baby. Back up off me, baby. Back up off me, baby. You can't move me, baby. bien partout. Sandy V et Blip pour ouvrir la deuxième partie électrochic. Sandy V qui occupe d'ailleurs toujours la meilleure place de l'Eurotop Galaxy puisqu'il est number one. Et toujours dans cette deuxième partie, vous pourrez également découvrir dans quelques minutes le mix électrochic pour ce mois de juin. We'll be right back. Bend down, down, down, go down, downtown. I'm gonna be around when you're down, down, now. Bend down, down, down, get down, down, down. I'm gonna take you out.

We'll be right back. Techno 5, c'est le dernier en date, c'est Alone With You. Electrochic, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez bien sûr retrouver la playlist de l'émission sur le forum de la radio www.galaxyfm.com. Dans un instant, Jimmy et Spiritual Choice jusqu'à 14h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Galaxy.